J'allume-moi qu'une nous nous sommes éloignés. Une seconde de plus sans toi, je ne pourrais le supporter. Je n'ai pas su te faire confiance. Pour toi, je n'ai que de la méfiance. Je ne te croyais pas quand tu me disais que tu n'aimais que moi. Hey.